Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la première émission Hellbanger de l'année 2023. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé, hein. On va clairement garder ce format pour l'avenir de l'émission, hein, avoir à peu près un roulement d'une émission en direct des studios de Radio Béton toutes les 3 semaines, et sinon entre-temps des émissions en différé qui vous proposeront cependant toujours du contenu inédit. Et ma foi, on va très très bien démarrer cette nouvelle année, hein. On peut vous souhaiter bien sûr tout le meilleur en termes de découverte, redécouverte musicale, de beaucoup de concerts, de beaucoup de sorties super cool, voilà, participez à faire vivre et faites vivre cette passion que l'on a en commun autour de la musique metal extrême. Et quelle meilleure manière que d'ouvrir cette année avec la 499e émission de l'histoire d'Hellbanger. La 500e dimanche prochain sera donc en direct, hors de question de rater ça. Et cette 499e émission se voit ouvrir par Obituary, le groupe que l'on affectionne particulièrement tous les trois dans l'émission, qui nous sort là son nouvel effort studio, petite avant-première, parce qu'il ne sera officiellement disponible que le 13 janvier, toujours chez Relapse Records, 11e album studio pour les vétérans du death floridien. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Eh bien, 10 titres pour 45 minutes, on est sur ce style ultra reconnaissable de Obituary, hein, un espèce de death à la fois groovy, mid-tempo, au contraire beaucoup plus percutant. Ce qui est vraiment impressionnant au fil des années, c'est que John Tardy, le vocaliste, n'a absolument rien perdu de sa superbe vocale. Et voilà, cependant à voir bien sûr si l'album tient la durée. Personnellement, moi, ces dernières années, les sorties studio de Obituary regagnaient en qualité, et c'était très plaisant. Puis en live, on prend toujours un rouleau compresseur dans les gencives. Les vétérans d'Obituary seront en doublette avec les jeunes loups de Caged, le groupe de hardcore strategy italien qui sort là un nouvel effort studio, A Prison Built to Slowly Die. On s'écoutera un nouvel extrait avec le très très bon Column of Black Smoke. Et avant ça, Obituary, le premier titre de l'année 2023 avec le titre The Wrong Time. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, c'est parti! The third world. Obituary était la première nouveauté et le premier titre de la nouvelle émission pour aujourd'hui. C'est vrai que j'ai oublié de préciser qu'on aurait forcément tout un tas de nouveautés à découvrir aujourd'hui. Nous aurons les Islandais de Myspearming, les Ukrainiens de Hate Forest, les Français, même Tourangeau de Dragvald, Morgue, Demon Slot 666 et quelques autres à se découvrir tout au long des 2 heures que l'on va passer ensemble. Doublette suivante avec tout d'abord Daiva, ça on vous a diffusé en toute fin d'année dernière, groupe de thrash black américain, actif depuis environ 5 ans, qui a sorti un premier EP en 2017 et qui là en fin d'année 2022 vient de sortir son premier album studio. On est donc sur un black thrash à tendance old school, c'est frontal et bien efficace, influencé notamment par les Aura Noir, Apsu et autres Disasters. Au niveau du line-up, on compte 3 membres de Crypt Sermon, groupe de Epic Doom américain, qui, pareil, commence à bien monter niveau popularité. Voilà, Daiva et Crypt Sermon se partagent le guitariste, le bassiste et le batteur en doublette avec Daiva. Une deuxième nouveauté pour aujourd'hui, il s'agira de la formation des Otolith. C'est un groupe qui nous vient de Salt Lake City, formé par 4 ex-membres de Sub Rosa. Musicalement, on est dans une veine assez proche de la formation initiale, un doom post-metal atmosphérique bien pesant. On retrouve même 2 violonistes. Et 3 vocalistes hein, dans The Otolith, donc voilà des lignes de chant assez chargées. 6 titres pour plus d'une heure de musique, aucun morceau en dessous des 9 minutes. Un bon gros pavé, assez indigeste, hein, faut vraiment prendre le temps de le parcourir pour pouvoir se l'absorber tranquillement. Et le titre d'aujourd'hui d'une version éditée, puisque on est sur un morceau de plus de 9 minutes, donc raccourci à 7 pour pouvoir passer en radio. Mais vous pouvez le retrouver en intégralité dès demain soir via les podcasts de l'émission. Pour rappel, on a notre petit blog où on met les podcasts. Et nous avons maintenant un hébergement sur toutes les plateformes de streaming bien connues, telles que Deezer, Spotify et autres, via un développement de Radio Béton. Donc voilà, tous les outils sont à vos dispositions pour nous écouter et nous réécouter. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous procurer les albums de tous les artistes qu'on vous diffuse, comme ça vous êtes sûr d'avoir 100% des titres dans leur entièreté. Daiva, le titre Arena at 10, extrait de l'album Through Sheerwill and Black Magic, sorti sur le très très bon label 20 Buckspin Records, et ensuite donc The Otolith, on s'écoutera le morceau Andromeda Swing, extrait de l'album Volume Limina, et c'est parti! Doublette bien brutale maintenant avec tout d'abord Ground, formation qui nous vient du New Jersey, active depuis une dizaine d'années, qui nous propose un subtil mélange de grind, power violence, punk et même éléments proto-slam. On peut rapprocher ça pour les amateurs du genre à du Nails, Fuel of Hell et autres Peak Destroyer. Et pour le côté un peu proto-slam, on retrouve dans Ground, deux membres de Waking the Cadaver, à savoir guitariste et bassiste, qui occupent les mêmes postes dans la formation du New Jersey. Voilà, ça cogne sévère, Ground. Et toujours tout en violence, Myspearming, donc le groupe de black islandais, actif depuis une dizaine d'années, sort déjà son troisième album studio, très très publicité, hein, toujours la musique de Myspearming. Six titres pour environ 45 minutes de musique, des compos assez généreuses. Un black toujours intense, typiquement islandais, hein, ils ont rapidement développé leurs propres pattes sur le black islandais, hein, tout comme le black français, suédois, québécois, etc. Et au niveau des inspirations, on peut retrouver quelques notes à la Despel Omega et autres Funeral Mist. C'est étouffant, malsain et malaisant à souhait. Niveau diffusion, on vous propose donc Stand Up Guy, extrait du nouvel album Habitual Self Abuse de Ground, Myspearming, le titre Meo de Amri, et c'est le titre éponyme puisque c'est le nom de ce nouvel effort studio. C'est parti. Just unspeakable to believe. On est plutôt sur un bon rythme hein, pour cette 499e émission Hellbanger sur les ondes de Radio Béton, puisque une doublette, une nouveauté. Tout d'abord, Ariane Path, cette formation qu'on a découvert ensemble en toute fin d'année dernière. Ariane Path, c'est du Epic Power qui nous vient de Chypre, actif depuis 1997, certainement une des plus vieilles formations métal de l'île chypriote. Le groupe sort là son 9e album studio, un album conceptuel dépassant les 70 minutes qui raconte l'histoire d'un roi nommé Evagoras qui aurait régné quelques siècles avant Jésus-Christ dans ce qui à l'époque s'appelait le royaume de Salamine de Chypre et qui a notamment contribué au développement de la civilisation hellénique. Voilà pour la petite touche historico-conceptuelle autour de ce nouvel effort studio de Ariane Path. Et musicalement, on peut rapprocher ça assez grossièrement d'un Blind Guardian ou autre Rhapsody, même si y a un peu moins d'orchestration et de côté musique grandiose dans leur fond musical. Elish, ensuite, groupe de Black Net Trash qui nous vient du Chili, et c'est une nouveauté, actif depuis une douzaine d'années. Ils sortent là leur troisième effort studio sur le très très bon Dying Victim Production. 8 titres, 30 minutes du Black Net Trash chilien qu'on aura peut-être l'occasion de voir par chez nous au Canadian, hein, coucou Catharsis, puisque en termes de référence, on peut citer Death Hammer vu récemment ou autre Exécutor et même Niflheim. C'est parti pour la musique, donc on s'écoute immédiatement les titres respectifs Of Royal Ancestry, The Turtle Way of Tyrants, To Tyrants, pardon, le nouvel effort studio de Ariane Path. Elish, ensuite, avec le titre The Ancient Entity of the Darkness Light, les titres parlent d'eux-mêmes, The Dance of the Four Elemental Serpents, c'est parti. And all the souls in the fire stand united. We'll toujours plus de brutalité et toujours plus de nouveautés. Eight Forest, Décrépite Cadaver, c'est la doublette suivante dans l'émission de ce soir. Eight Forest, tout d'abord, le groupe de black ukrainien qui avait sorti son 6e album studio toute fin d'année 2022. On était à moitié passé à côté de l'info et du coup on a été un petit peu court pour vous le diffuser en fin d'année dernière. On se rattrape tout début 2023. L'album est sorti quasi tout pile 2 ans après Hour of the Center, l'excellent album paru en 2020. Et voilà, on se garde même les petits bâillements en 2023 pour garder ce petit côté live malgré l'émission enregistrée quelques jours plus tôt. Donc je disais, Hour of the Center était sorti en 2020 et ça faisait depuis 2005 que l'album que Eight Forest n'avait pas sorti d'effort studio. À l'époque, Hour of the Center avait même eu droit à un focus dispensé par l'ami Thibaut. À voir ce qu'il pensera de ce nouvel effort des Ukrainiens. Six titres, 35 minutes d'un black froid rugueux, limite rao et minimaliste, bien qu'un peu plus enrichi quand même que celui de 2020, qui est vraiment bloc monolithique de black à la sauce Panzer Division. Et en doublette avec les Ukrainiens, nous aurons les Chiliens. Tiens, encore une formation venue du Chili. Décrépite Cadaver, groupe de Brutal Death, proto-slam, actif depuis une vingtaine d'années, qui vient de sortir son 4e effort studio. Un power trio qui cartonne comme il faut, c'est ultra brutal, légèrement tech juste comme il faut sur les bords, hyper efficace, et la prod est même ultra soignée. On y va donc pour la musique, avec tout d'abord... Eight Forest, Those Who All Inside the Soulstorm, extrait de l'album Innermost, une sortie Osmose Production, toujours sur label français. Décrépite Cadaver, ensuite The Swarm, extrait de l'album Revelations, c'est parti. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est au cœur de la 499e émission Elbanger, et pour rappel, dimanche prochain, on s'offrira la 500e en direct. Et c'est l'heure maintenant d'attaquer l'aspect française avec un groupe qui se retrouve tout seul en diffusion, à un pas de doublette pour apprécier toute la puissance du morceau. Barabas a pour l'occasion bénéficié d'un focus sur la dernière émission de l'année 2022, le groupe de Doom Epic Doom français, Doom Stoner même, qui... Ah oui, c'est ça. C'est vrai que je m'étais un peu embrouillé. On est plus sur du Doom Stoner que du Doom vraiment épique à la sauce suédoise. Hein, c'est un peu plus baveux Southern que vraiment épique scandinave. Voilà, ils sortent là leur second album studio, 8 ans après le premier. Un disque bien rempli, hein, 7 morceaux plus une intro, une outro, environ une heure de contenu. Donc voilà, des titres chantés en français et des morceaux plutôt généreux. On va s'écouter le titre Sous le signe du néant, extrait de l'album La mort appelle tous les vivants. C'est parti, et ça s'appelle Barabas.